S'aimer. Il est venu le temps d'affronter l'ennemi, si petit et grouillant qu'il nous est invincible. Que faire isolément, sans en être la cible, autrement qu'en étant entre nous des amis? En ce monde bâti de vains nationalismes hostiles, le virus vit de nos différences. Insolent, il se rit avec indifférence et se répète encore de nos rationalismes. Alors je vous le dis, être que rien n'est frais, si vous croyez toujours que l'horizon vous guide, il est temps de marcher vers lui d'un pas rapide, tant est urgent d'aller vers l'univers d'après. Dieu, pour l'amour des hommes et de leur humanité, sauvez, je vous abjure, leur absurde présence, qui ne fut que malheur et stupide indécence au nom de je ne sais quelle prospérité. Il est temps maintenant de taire les ardeurs conquérantes de ceux, les premiers de cordée, qui décident du sort de ceux dépossédés pour qui la vie n'est plus qu'un tourbillon de peur. Je ne méconnais pas l'honneur des volontaires sauvant en se battant le devenir des leurs, mais est indispensable un élan salvateur tout autant que le sont les vertus solitaires.